Salut les amis! Salut Alex! Alors, c'est aujourd'hui? Bah quoi? Bah qu'on change le monde! Non, j'ai décidé de postposer ce chantier-là, histoire de pas le bâcler. Et puis on ne change pas le monde à Mardi Gras. C'est quoi? Ah oui, c'est Mardi Gras! C'est Mardi Gras, et d'ailleurs, Guillaume, félicitations, ce costume de vampire, te va très bien. Mais je suis pas déguisé! Ah, pardon, parce que t'es pas l'eau. Pardon, mais il faut dormir là. Mais non, mais c'est quand Charlie n'est pas là, on bosse trop. Oh, pas forcément, non, alors, ça, non, je trouve qu'on ne ressent même pas son absence. Et qui on reçoit aujourd'hui? Dominique Farrugia. Ah, génial! Est-ce que vous savez, les filles, que Dominique Farrugia, il a été directeur de Canal+, mais avant, il a commencé, comme vous, attaché de production. On a une chance alors. Bah, vous pourriez devenir directeur de Radio France. Oui, oui. Moi je garderais Mathieu Gallet comme numéro 2. Ah oui, il est beau. Bon, il est beau, c'est pas non plus. Voilà. Enfin, en tout cas, il a meilleure mine que toi, Dracula. Oui, c'est le point soleil, ça, oui, ça va. Alors, ça et les filles, si vous devenez directeur, vous prenez quoi comme première décision? Ah bah moi je virerai Alex. Ah bah bien fait. Et une fois qu'elle t'aurait viré, bah, je virerai Guillaume. Ah bah attends, moi j'y suis pour rien, moi. Merci pour votre sincérité. Mmh. Ouais, laissez-moi vous dire qu'il y a surtout beaucoup d'attachés de production qui sont jamais devenus directeurs de leur boîte. Il a tout à fait raison. Je propose qu'on vous teste, voir vos qualifications. Je suppose que personne n'a préparé les sujets. Eh bah si, en 1, la loi Macron. Et oui, Farrugia aime la politique. Okay, en deux, le foot. Il aime le PSG. Okay. Et en trois, le Saturday Night Live. Parce qu'il aime aussi la comédie. Okay. Voilà. Bah, très bien, bah, c'est en bossant comme ça que vous allez monter dans la hiérarchie. Ouais, bah ça m'arrange pas. Si je me fais virer, c'est bon, quoi. Tu te fais du mauvais sang. C'est con pour un vampire. Bonne blague, ça pourrait être dans le Saturday Night Live. Dans le quoi? Le Saturday Night Live. Le quoi? Le Saturday Night Live. Saturday Night Live. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission qui envoie très loin sa patronne et qui fait la même chose avec l'actualité. Et voici les trois informations qu'on va retrouver sous l'équateur d'ici 18h. La loi Macron devait être votée aujourd'hui, mais comme à gauche et à droite il y a eu des oui, des non, des peut-être, des nini, eh bien on n'a pas voté. Et je peux vous dire qu'à 16h, bah, j'ai eu l'air étonné. C'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. Toi tu as souvent l'air étonné, t'en défaut. François Hollande a déjeuné ce midi avec les grands noms du journalisme sportif, une opération com avant le PSG-Chelsea de ce soir. Mais connaît-il bien les footballeurs? J'en connais quelques-uns, bon bien sûr, je connais Zazie. Le Saturday Night Live est une institution aux États-Unis. L'émission de télé la plus pourvoyeuse de stars de la comédie a fêté ses 40 ans. Et nous, à Everyday Afternoon Live, on voulait lui rendre hommage. Welcome to the Saturday Night Live, 40th anniversary special. Great world, Megaton, excellent. Et autour de la table en ce Mardi Gras à 17h20, celle qui se déguise tous les mardis en spécialiste scientifique de l'émission, et c'est relativement crédible pour les enfants que nous sommes, Nicole Ferroni. Oui, bonjour monsieur Vizorek. De quoi on va parler mademoiselle Ferroni? De harcèlement moral et de caca de baleine. Voilà, on fera le lien tout à l'heure. À 17h30, celui qui se déguise en journaliste tous les jours, méthode qu'il a empruntée à Jean-Pierre Pernaut, qui lui n'a pas été démasqué depuis près de 30 ans. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex. De quoi on parle? Alors je me suis intéressé au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, j'ai appelé notamment des gens qui sont favorables au projet et qui m'ont alerté sur le fait que... On vous a enfumé à Paris. Eh oui, vu les pics de pollution, on s'en doutait un petit peu. Il est 17h40, celle qui, au carnaval, préfère les bals masqués vénitiens pour deux raisons. Un, parce que c'est plus en phase avec son standing, et deux, parce qu'elle n'a aucune chance de m'y croiser. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour Alex Vizorek. De quoi on parle? Eh bien, lors du procès des pratiques sexuelles d'un homme, pardon, lors du procès du Carlton, voilà. Un mot a été prononcé par un avocat, et c'est un mot que j'avais très envie de décortiquer. Eh bien, intervenez-vous dans cette émission, le répondeur 01 56 40 60. 69-51, les réseaux sociaux, Twitter, hashtag annule tout, et Facebook où l'on poste les photos du bureau, vous constaterez que ça bosse dur. Et chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous Charles de Gaulle à Vichy, et non pas sous Mitterrand à Colombey les deux églises. Vous entrez à Canal+ comme assistant de production en 84, l'année du lancement du Macintosh. Vous sortez la Cité de la Peur avec les Nuls en 94, l'année où Georges Marchais s'appelait place à Robert Rue, vous créez votre société de production FEW, Farrugia Entertainment Worldwide en 2003, l'année du décès d'Idi Amin Dada, mais là a priori il n'y a pas de lien, vous êtes donc... Dominique Farrugia. C'est bien ça, c'est Gabi. Sur France Inter, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et vous êtes là pour le film Bis que vous avez réalisé avec un duo inédit, Franck Dubosc et Kad Merad. Alors... on pouvait imaginer qu'ils avaient déjà joué ensemble, et puis non. Est-ce que former un duo comme ça, avec l'histoire des duos comiques, est-ce que ça peut représenter? Est-ce que c'est difficile ou est-ce que ça vous est venu naturellement? C'était ces deux-là et pas d'autres. Mais pour le casting d'un film, on ne forme pas un duo. On essaye d'avoir l'acteur qui convient le mieux au personnage. Et il s'avère que c'est deux acteurs que j'aime bien, avec qui j'aime bien travailler. Et surtout, deux acteurs qui avaient envie de venir sur le terrain que j'avais envie de les emmener. Et c'était surtout ça. Après, oui, il s'avère qu'ils n'ont jamais tourné ensemble. Mais on les a beaucoup vus séparément en même temps. C'est pas entièrement faux. Alors, le scénario, le pitch, eh bien, c'est deux amis qui, comme ça, se retrouvent en 1986, alors qu'ils sont d'aujourd'hui. Et ils n'ont pas changé de visage pour eux. Mais les gens les croisent comme étant de 1986. Donc deux garçons de 17 ans, oui. Voilà, comme étant revenus dans leur vie, donc ils ne sont pas surpris de les y voir. Comment là est-ce qu'on travaille sur ce genre de scénario du voyage dans le temps? Est-ce qu'on décide qu'on a envie de parler du voyage dans le temps et puis on crée le scénar? On avait, je l'ai répété mille fois, je suis désolé. Ah, pardon. Je sais que vous êtes en fin de promotion. Non, mais c'est pas si ça. On parle pas du film. Non, mais je veux bien. Mais je sais bien dont on peut parler. Hein. Oui, bah, au contraire. Non, mais allons-y. La phrase qui m'excitait, moi, c'est est-ce que la vie est un brouillon et si oui, est-ce qu'on peut le remettre au propre? C'est cette phrase-là qui m'a donné envie d'écrire ce film. À partir de là, j'ai imaginé deux mecs qui reviennent justement et qui se disent ma vie m'emmerde, j'ai envie de ta vie et vice versa. Et est-ce que tu veux vivre ma vie? Est-ce que je peux vivre ta vie, quoi? Donc, et on se dit, à 17 ans, est-ce que tout est possible? Est-ce que si on repasse le bac, est-ce que ça nous amène à faire médecine? Et si médecine, il y a la femme qui va avec, puisque ta femme, elle me plaît, enfin, etc., etc., etc. Il y a eu plusieurs films qui ont creusé ce thème-là, le voyage dans le temps. C'est quand on voit votre film, qui est très drôle, on pense à un film qui est moins drôle, qui est Camille Redouble, de Noémie Lvovsky. Alors là, c'est pareil, l'actrice ne change pas physiquement alors qu'elle est propulsée quand elle était adolescente. Il y a un autre film qui s'appelle Quand j'étais petit, de Jean-Paul Rouve, où cette fois c'est un narrateur, le héros, qui croise un enfant qui est lui quand il était petit. Donc c'est encore autre chose. Il y a aussi Chérie, je me sens rajeunir. Donc c'est encore un troisième cas de figure. Il y a Retour vers le futur, où le héros, pour le coup, ne change pas d'apparence, reste au même âge, mais est propulsé. Comment est-ce que vous, à quel moment vous vous êtes dit, bon, bah, les miens, ils vont changer d'apparence physiquement, mais pas au niveau du spectateur? Vous voyez, c'est toutes sortes de choses. L'apparence physique, c'est important. À chaque fois, ils jouent là-dessus. Moi, c'est ce qui me gênait dans quelques films que j'ai pu voir, autant chez Coppola que chez d'autres, c'est que c'est un ado parmi des ados et on le prend plus, enfin il y a jamais de différence. Donc j'avais envie que dans un miroir on apercevait l'ado qu'il était pour que bien le remettre dans bien le contextualiser. J'adore ce mot. Fort de tout ça, mais j'ai surtout essayé de me démarquer. C'est un genre, le retour dans le temps. Je crois qu'on a cherché avec mes co-auteurs depuis le muet en 1915 ou en 1916. On faisait un film sur le retour dans le temps en une bobine, comme on faisait à l'époque. Donc, c'est comme refaire un western aujourd'hui. On a envie de tout revoir en se disant il faut que j'oublie tout. Mais j'essaye de me démarquer à ma manière. Mais il y a des petits plaisirs que vous vous êtes faits, j'imagine. C'est-à-dire, j'ai pensé à ça quand les deux essayent de vendre des scénarios de films qui ont marché plus loin. Est-ce que le producteur Dominique Farrugia s'est dit ça, j'aurais crevé envie de le faire? Non, c'est... Oui, sûrement, mais on s'est dit, avec Fred Hazan et Nance Delgado, avec qui j'ai écrit les scénarios, on s'est dit, un jour, on déjeunait. Un scénar, c'est aussi beaucoup de temps passé à acheter des idées, en ramener, etc. etc. Je ne sais pas comment est venu le truc, c'est de dire, mais non, mais même les chiffres du loto, si tu les as gardés, donc tu vas gagner le loto, mais comment tu le ramènes après voilà, puis c'était en francs, donc ça ne marche pas, etc. Et tout d'un coup, on dit, mais quand même, on a vu tous les films qui ont marché, qui ont dépassé les 10 millions d'entrées, donc si on allait les pitcher, bah, à qui? Il y a Claude Berry, parce qu'il n'y avait pas d'autres producteurs à l'époque. Hein. Toujours remercier Claude Berry. Voilà, toujours remercier. Non, puis Claude Berry, c'est un monument pour moi, c'est mon idole, j'aimais ce bonhomme, je l'aime toujours. Mais du coup, la séquence où il tente de raconter le scénario d'Intouchable en disant achetez ce film, ça va cartonner. Oui, puis surtout, c'est qu'il le réduise un peu à. Il l'explique mal. Oui, il l'explique mal. Et puis il dit c'est une caïra, enfin une racaille. Ouais. Enfin, c'est un noir. Alouba. Ils finissent par c'est un noir, donc c'est un peu mal vendu. Bon, on espère. Non, mais je pense qu'il y a une relation directe entre l'époque et le succès d'un film. Et que, arrivant 10 ans avant, je pense pas qu'il marcherait de la même manière. Mais du coup, ce qui est très malin, c'est que ce film-là, Bis, joue sur les référents communs culturels des spectateurs. Puisque l'Intouchable, on voit tout ce que c'est, les Visiteurs, on voit tout ce que c'est, les Ch'tis, c'est pareil, quand il tente d'expliquer le scénario des Ch'tis, et quand il entonne le chant de Daniel Lévy des 10 commandements, tout le monde voit ce que c'est. Bien donc sûr. Vous jouez sur un socle commun. Mais c'est marrant parce que c'est pas du tout prémédité, c'est que ça nous faisait rire. Mais qu'on a pioché dans un de Broadback Mountain à on avait des tonnes de pitch. Et on les a enlevés au fur et à mesure. On a tourné ça en une demi-journée, en deux demi-journées. On a fait en une journée la chanson et les pitchs de films. Mais ça durait des heures. et après, au montage, je me suis amusé. Mais c'est moi qui ai... Il y a une allusion à The Artist. Et c'est moi qui l'ai trouvé en impro à un moment, qui leur ai proposé. Ils l'ont fait. Voilà. Et puis au montage, ça s'est fabriqué. Et on espère que dans le prochain film sur le retour dans le temps, eh bien, on parlera du succès de Bis. Qui sort demain, film de Dominique Farrugia. Ça, oui. J'ai pas pu me l'acheter. Ça, c'est The Clash. Et sur l'intro, vous aviez entendu Dominique Farrugia, notre invité, dire « ça, je n'ai pas pu me l'acheter ». On a eu l'explication pendant le disque. Vous auriez aimé cette chanson dans votre film ? Oui, oui, mais c'était bien plus cher. On l'a bien compris. Et autour de la table, Guillaume Boris ? Eh bien, la pétillante Nicole Ferroni, la sémillante Clara Dupont-Mono et vous, ne choisissez pas d'adjectif. Le sénile. Quant à vous, je vous garde pour la revue de presse. À deux voix. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par le désormais traditionnel point Jean-Luc Lahaye. Et oui, puisqu'on l'a appris hier, suite à ses démêlés judiciaires, il est contraint d'annuler sa participation à la tournée Star 80. Bah c'est logique, hein, 80, c'était il y a 35 ans, et 35 ans, c'est vieux pour Jean-Luc. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux Alex, puisqu'on parle musique. Oui, qu'est-ce qui vous prend là Guillaume, on parle pas musique, on parle Jean-Luc Lahaye. Ah oui, pardon, autant pour moi. Non, alors puisqu'on parle justice, oui. Parlons Bernard Tapie. La cour d'appel annule l'arbitrage favorable en sa faveur, il va devoir rembourser 403 millions d'euros. La mauvaise journée, tout de suite, c'est un hommage en musique. Réussir sa vie, Ouais, non, c'est pas. Non, non. Si on peut lui donner un peu de droit d'auteur, ça. Non, non, mais là, c'est plus. Non, non, coupez, coupez. Hein, c'est plus tellement de circonstances. Rendons-lui plutôt hommage avec une chanson qui résume ce qu'il dira aux huissiers. Quitte à tout prendre, les mégots, c'est la télé. On est pas loin de ça. Rue des Saint-Père, tout à l'heure. Merci, voilà, Florent Pagny, ma liberté de penser. Et oui, hommage à Bernard Tapie, qui n'aura bientôt plus sa liberté de dépenser. Et on continue avec une information qui nous vient d'Italie. Oui, Lara Fabian humiliée, figurez-vous. Oui. Elle n'a pas été retenue pour représenter l'Italie à l'Eurovision, candidate au festival de San Remo, hein, dont le gagnant est appelé à représenter le pays à l'Eurovision. Elle n'a pas été retenue, elle ne figurait même pas dans la première présélection des 16 candidats. Bah, elle a dû être très déçue, quoi. Ah, c'est sûr, très très déçue. Il paraît qu'elle était tellement déçue qu'elle s'est mise à crier. Comme quand elle chante, quoi. Voilà, exactement, pareil. Et on termine avec une information du Royaume-Uni. Oui, une grande enseigne de bricolage a envoyé un mémo à ses employés pour qu'ils conseillent convenablement leurs clients qui viendraient s'équiper suite à la lecture de 50 nuances de gris et ces fameuses scènes de sexe avec outillage. J'imagine déjà la scène dans le magasin. Bonjour monsieur, bonjour, je cherche du gros scotch, 3 planches et une perceuse sans fil. Mais oui, c'est pour quel usage? C'est pour attacher mon mari sur les planches. Très bien, mais la perceuse sans fil? Eh ben, comme son nom l'indique. C'est le meilleur jeu de mots. Toute la journée, Dominique Farrugia, on a réfléchi à celui-là. On s'est dit ce qu'on le met, ce qu'on le met pas. Et puis on a craqué. Voilà, jusqu'à 18h, on est avec non, vous. Mais restez, Dominique Farrugia. Et votre consternation. Non, mais j'en ai fait des pires. Donc. Sous votre contrôle, on s'est dit on peut. Ouais. Premier sujet, et c'est un sujet qui a évolué depuis ce matin, puisque nous avions décidé de parler du vote de la loi Macron. Et puis, oui, le 49-3, une invention démocratique, si. Toujours est-il qu'il a dû être utilisé parce qu'une loi de gauche ressemblant à une loi de droite ne voulait pas être votée par certains à gauche, mais on les a obligés, alors qu'à droite, on les a interdits, alors qu'ils auraient bien voulu. C'est pas clair. Et vous avez la gauche. La gauche-gauche, alors. La gauche-droite. La gauche-droite. C'est ça, la gauche-droite. Ah bon? Oui. Et alors qu'est-ce que je fais après? Alors vous remontez légèrement vers le centre. Le centre des modérés, ça je vois. Oui. Non, le centre des gauches-droites. Ah bon, parce que le centre réel n'est pas au milieu. Absolument pas. Absolument pas. C'est le centre fictif, n'est-ce pas? Et où est le centre réel? Beaucoup plus à gauche de la droite du centre gauche. Ah bon. Alors je crois m'y retrouver. Vous allez me dire si je me trompe, vous m'arrêtez. Ce qui fait que vous, en fait, si je comprends bien la situation, au lieu de vous trouver immédiatement à la droite du RDA où votre position politique vous place. En principe, c'est notre place. Nous sommes d'accord avec ça. Vous vous trouvez de ce fait, depuis que vous avez été débordé par les radicaux non-valoisiens, vous trouvez de ce fait maintenant à gauche. À gauche de l'URDS 19, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, vous les avez reconnus. Ah, Poiré et Serrault, ce sont mes idoles. Poiré et Serrault, 1958. Mais donc, 58, date de la Constitution. Cette Constitution a été votée justement, enfin, a été créée par le général de Gaulle pour éviter ce qu'ils sont en train de dire. Et aujourd'hui, on est dans la même merde. C'est bien résumé, c'est bien. Avec vous, je ne dois pas poser les questions. Non, mais c'est absolument terrible. C'est un déni de démocratie total aujourd'hui. C'est-à-dire que la droite qui aurait dû voter cette loi avec eux, parce que au moins le centre en tout cas et l'UDI qui hier soir se posait encore des questions, on se demande ce qu'ils foutent. Ils veulent des réformes, enfin il y en a. Enfin, il y a 5 dimanches ouverts par an. Enfin, c'est vraiment un changement de. C'est pas la loi du siècle, avait-on lu dans le Parisien. Non, mais c'est même pas ça. C'est que donc pourquoi élire un Parlement? Je me demande pourquoi. Surtout la bonne idée de Jospin qui a été de dire bah maintenant on va éviter, on va tout voter en même temps pour le président et pour le Parlement. Et ça ne sert à rien. Donc trouvons. Si on veut faire comme les Américains, faisons comme les Américains. Un midterm, ça servira à quelque chose, voilà, mais... Mais ce qui était un peu gênant là, c'était le côté particratique de la chose. Bien sûr. C'est-à-dire que les partis au-dessus décident, et ça, on est coincé avec ce genre de logique. Mais parce que c'est que de la politique politicienne, pardon, mais si la droite avait deux doigts de bon sens, ils auraient voté cette loi, ils étaient pour, et ils auraient dû la faire il y a 5 ans de ça, donc voilà. À un moment, on vous dit, vous étiez plus impliqué politiquement, est-ce qu'on en ressort indemne? Non, on n'en ressort pas indemne, je l'ai fait une fois, parce que j'ai vraiment cru... en Nicolas Sarkozy, je ne l'ai pas fait une deuxième fois. Mais pas recrue. Qu'est-ce qui vous avait fait faire marche arrière à l'époque? Qu'est-ce qui vous avait réfrigéré? C'est-à-dire au moment de Sarkozy, après le fait que vous ne le fassiez plus? Non, c'est parce que je trouve que les réformes n'ont pas été faites, ce qu'il avait promis est arrivé. En même temps, je pense qu'avec lui et la crise des subprimes, on a évité un gros merdier. Mais après, c'était n'importe quoi. Et puis après, il y a des discours qu'on ne veut pas entendre et des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Moi, j'ai plutôt toute ma vie voté à gauche. Sauf en 2002 où j'ai voté pour Jacques Chirac. Et puis après, bah, je trouvais dégueulasse le procès qu'on lui faisait avant, en 2007, qui était les chars seront dans la rue, on rentre dans une dictature. Bon voilà, grosso modo, rien ne s'est passé ni d'un côté comme de l'autre. Mais l'artiste que vous êtes, le créatif que vous êtes, de tomber dans ce milieu politique qui est quand même plus ambigu. Non mais parfois on a besoin de se dire, moi j'avais pas envie de voter Ségolène Royal et je trouvais dégueulasse le procès qu'on lui faisait partout. Et il y avait eu un 12 pages édité par Marianne en parlant de lui comme un fasciste. Moi, ça m'a un peu gavé et j'ai décidé d'en parler. Il y avait un procès dégueulasse qui était fait de l'autre côté à Ségolène Royal en incompétence et on l'a présenté comme une gourde. Non, mais on a il n'y a jamais eu 12 pages dans un canard distribué en PDF. Non, il n'y a jamais eu ça. Non, je vous assure. Très honnêtement, j'ai vécu ces mois-là et j'ai pris des sauts de mer dans la gueule. Donc, non, il n'y a pas eu le même procès d'un côté. C'était pas le même, mais c'était un autre. Il est très à gauche. Non, mais c'est. Pour soutenir Ségolène Royal. Oui, il faut y aller. Je suis d'accord avec vous. Pour soutenir Ségolène Royal, merde alors. Je comprends votre désapprobation et j'en serais presque d'accord. Mais je préfère encore la Ségolène Royal d'aujourd'hui que celle de 2006. Je trouve qu'elle a compris plus de choses et elle entretient un français pratiquement parfait. Si le pitch de votre film fonctionnait à revenir en arrière, vous le referiez ? Non, moi je changerais rien. J'ai pas envie de. Je suis assez content avec ce que j'ai, ça va. J'ai pas à me plaindre. Voilà, j'ai pas d'argent à Singapour, rien. Donc et ben c'est parfait. Nicole Ferroni, c'est à vous. Ah oui, parlant d'argent, c'est bien fou. Oh non, moi j'évite les transitions, si c'est pour en faire des mauvaises, autant. C'est pas le genre de cette émission. Non, on se rappellera de la perceuse plusieurs fois dans la vidéo. Je vous remercie d'appuyer là où ça fait mal. Allez-y, vous avez tout. Oui, je vais quand même y aller si vous permettez. Non, mais en fait, c'est juste moi que ça fait que 3 semaines que je suis dans cette émission. C'est vrai que beaucoup de gens se demandent comment ça se passe, si le contexte de travail est plutôt sain. Et c'est vrai que je préfère le dire. Donc il n'y a pas de harcèlement moral ici. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais que beaucoup de gens dans leur travail ont le sentiment d'évoluer dans un monde de requins, de chacals, de fennecs. Et alors qu'eux ne se sentent pas du tout dans une démarche de prédateur. Ils se sentent plutôt pacifiques ou atlantiques, enfin en tout cas très océaniques. C'est-à-dire qu'ils se sentent comme un gros mammifère marin, à savoir plutôt baleine bleue. Alors c'est vrai que quand vous êtes la baleine bleue de votre boîte, c'est vrai que vous avez beau être le plus gros potentiel de votre entreprise. Et malgré ça, les autres toujours cherchent à vous harponner, à vous dégraisser ou, faute d'y parvenir, à vous diminuer en vous dévaluant. Je prends le cas bien sûr toujours de la baleine bleue. Il faut quand même savoir que le nom scientifique qu'on lui a donné, c'est Balaenoptera musculus. Ça n'échappera à personne que si en latin, musculus veut dire muscle, ça veut surtout dire petite souris. Donc vraiment une façon de lui dire, écoute, toi, ma grande, pour nous, tu es insignifiant, tu n'es rien, tu n'es qu'une petite chose. Donc c'est une forme de harcèlement moral, d'harcèlement marin. Et le harcèlement marin, c'est pas marrant. Donc si vous êtes dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour remédier à cette situation? Et bien justement, inspirez-vous bien de la baleine bleue. C'est parce que oui, la baleine bleue, comme une employée déconsidérée, ok, elle se sent noyée sous l'eau la plupart du temps. Elle se retrouve non pas au fond du gouffre, mais au fond de l'eau. Et elle supporte du coup une pression dingue, pas par la hiérarchie, mais par la colonne d'eau au-dessus d'elle. Et de la même façon qu'un employé méprisé croule sous les dossiers, elle croule sous le krill. Krill qui est un ensemble bien sûr de petites crevettes dont elle se nourrit. Crevettes de la famille des euphosiacées, souvent mêlées à d'autres crustacés, les copé pod, du latin pod qui veut dire pied, et copé comme Jean-François Copé, donc littéralement copépod, les pieds de Jean-François Copé. Non, c'est pas vrai. En latin copé, ça veut dire, et ça c'est vrai, ça veut dire ramer, et du coup on comprend mieux l'état de sa carrière politique. Donc les copépodes, les petits crustacés donc, qui rament des pieds, mêlés à ces millions d'autres crevettes et poissons, forment en fait l'incroyable masse que doit ingurgiter chaque jour la baleine bleue si elle veut se maintenir à flot, et de la même façon que vous dans votre travail, vous ingurgitez chaque jour des tonnes de dossiers, de remarques désobligeantes, d'ordre absurde. Elle ingurgite par jour 4 tonnes de krill. Sauf que la baleine, au lieu de subir cette situation et de garder en travers, de garder sur l'estomac tout ce qu'elle a ingurgité, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle prend le temps de digérer le tout et ensuite, il lui vient comme la colère qui lui vient des tripes, c'est-à-dire que la colère, comme la baleine, remonte à la surface, expulse le tout. Autrement dit, pardon si je suis vulgaire, elle finit par semer la merde par centaines de kilos. Alors, mais pas uniquement par soulagement, c'est-à-dire pas juste pour dire, vous me faites chier, je vous emmerde. Le but de cette expulsion de caca pour elle en surface, ou de colère pour vous, de caca-colère, c'est de, non pas de rendre l'ambiance plus nauséabonde qu'elle ne l'est, mais au contraire de l'assainir. Alors comment ? Parce que tout le krill que la baleine a consommé contient du fer, donc le caca de la baleine, lui aussi, en contient énormément, de la même façon que votre colère contient beaucoup de choses à faire. Et ces choses qui remontent et que vous pensiez inutiles à jeter sont en fait essentielles, car une fois arrivées à la surface, à la lumière du soleil, à la lumière d'un nouvel horizon, elles vont contribuer à stimuler l'écosystème, c'est-à-dire que peut-être votre colère va stimuler des discussions, des décisions, là où chez la baleine, le caca va stimuler le phytoplancton, qui sont les milliards de micro-algues en suspension à la surface des océans et qui, à la lumière du soleil, produisent, comme toutes les autres plantes, leur propre matière à partir du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. C'est presque aussi compliqué qu'André Manoukian. Mais bien sûr, sauf que le dioxyde de carbone est un des gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Donc vous me voyez venir, on se rend compte du coup du pouvoir du caca des baleines sur le réchauffement climatique. Plus les baleines font caca en surface de l'océan, plus la concentration en fer y est importante. Plus il y a de fer, plus il y a de phytoplancton stimulé dans sa capture de dioxyde de carbone, dont le taux va chuter, limitant ainsi le réchauffement climatique. Donc comme les baleines en semant la merde, ça contribue à diminuer le réchauffement climatique, vous, en vous affirmant et entre guillemets en semant la merde dans votre boîte, vous allez contribuer à diminuer l'échauffement des esprits et donc contribuer dans les deux cas à rendre l'air plus respirable. Donc si vous êtes mal dans votre travail, rien ne sert de crier « c'est assez, soyez-le ». Écoutez, oui, ça c'est aussi le service public. Je vous ai vu vous avancer sur Copé qui rame. Non, mais c'est comme quoi nul n'échappe à son destin. mais ce qui m'amuse vraiment, c'est que tous les mammifères nous emmerdent, qu'ils soient marins ou puisque les vaches. Elle nous embête, par contre, les vaches participent au réchauffement climatique puisqu'elles libèrent du méthane. Oui, alors que là, les baleines, elles n'en libèrent pas. Oh non, justement, elles permettent de capter le dioxyde. J'étais tellement pris par caca de baleine qu'à un moment, j'ai oublié d'écouter. Je suis désolé. On va tous s'en remettre pendant le disque. Yeah. sur France Inter, Courtney Barnett avec le titre Pedestrian at Best, qui doit vouloir dire piéton au mieux. Hein. Oui. Et pourquoi pas, c'est ma bonne traduction. Et d'ailleurs, je n'ai pas lu l'article dans le Guardian, c'est de là que vous sortiez vos informations, Nicole Ferroni. Oui, tout et à fait. Article qu'on trouve en français dans le Courrier International sur le caca des baleines qui a passionné notre invité. C'est d'une part très bien écrit, mais en plus très très intéressant et bien documenté. Ça, c'est le service public. Alors, vous êtes là pour le film Bis, et avant de passer à Guillaume Meurice et son reportage, j'ai une question à vous poser, parce que la question se pose dans le film. Tu l'aurais baisé, Désir? Less. Non. non, mais et Harlem Désir non plus. Oui. C'était sur Désirless. J'avoue que là, j'ai tiqué parce que l'humour, c'est la surprise. Bien passé pour le savoir. Et quand cette phrase est arrivée, j'ai ri de surprise. Parce oui, que on s'y attend pas. Oh, pas du tout. Pas donc vous venez de niquer la surprise. Non, parce que ça donne envie. Parce que il y a beaucoup d'autres dialogues que je ne vais pas niquer, comme vous dites avec élégance. Mais celui-là, j'avais envie d'avoir. Voilà. Votre non, réponse. Mais je suis très content des. Je suis assez content de ce film. Voilà. Même si. Oui, il vaudrait mieux parce que vous êtes le réalisateur. Non, mais oui, mais j'en suis l'auteur, le réalisateur, beaucoup de choses. Mais non, il y a des films qu'on assume moins que d'autres parfois. Voilà, celui-là, j'ai assumé. Okay, allez voir dès demain le film totalement assumé par Dominique Farrugia. Quant à vous, Guillaume Meurice, est-ce que vous assumez ce que vous dites? Parfois, je doute. Ça dépend. Vous ça avez dépend, enquêté sur un gros sujet. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes à l'occasion de la semaine de résistance qui a débuté hier à Nantes et qui se terminera par une grande manifestation samedi. Alors, je le dis par souci d'objectivité, hein, et pas pour faire une pub déguisée à cette manifestation qui se déroulera donc à Nantes samedi 14h, soir Jean-Baptiste Davier. Je vous rappelle qu'il est de gauche, au cas où ça vous qu'on soit bien surpris. D'accord. Hein. Non, c'est pour rester totalement objectif. Restons objectifs. On retrouvera à cette manifestation, évidemment, la mouvance anarchiste. J'en ai contacté un d'anarchiste. Il s'appelle Julien. Il milite contre les violences policières. Mais alors, problème ? Comment vous vivez le fait que maintenant tout le monde aime bien les policiers ? Eh ben, on a dit « et merde ». Ouais, ça vous a fait quoi de voir les CRS applaudis comme ça ? Bah, j'ai chialé. Puis après, j'ai vomi. Puis après, j'ai fait « bon, bah, c'est comme ça ». Mais ça se trouve, tout cet amour, ça va les rendre gentils ? Bien sûr, évidemment. Et en plus, comme tout le monde sait, CRS, c'est leur métier, c'est de distribuer de l'amour, en veux-tu, en voilà, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Depuis la grande manif du 11 janvier dernier, le CRS est devenu un bisounours. C'est le syndrome Joey Star, hein, qui est passé de la castagne à la comédie romantique, à ne pas confondre avec le syndrome Samina Seri, qui est l'exact inverse. Mais est-ce que parfois, ce fameux Julien n'a pas envie d'abandonner la lutte pour devenir, je sais pas moi, pourquoi pas CRS ? Non. Bon, après, si bien sûr on nous offre un contrat avec 15 millions d'euros par jour, évidemment, je pense que tout le monde arrête. Ah, ça c'est intéressant. Ah, bien sûr, on est tous comme ça, évidemment. Alors à quel montant s'arrête l'anarchisme ? À quel montant ? Ça dépend. Je pense qu'il faut quand même de tabler dans 10 millions de dollars et puis avec en guest star Nabila, quoi. Ah, d'accord. L'anarchiste aime le pognon et les seins en plastique. L'anarchiste pourrait être un footballeur professionnel, un rappeur américain. Un rappeur américain, ou même vous, Alex Vizorek. Voyons désormais le camp d'en face, ceux qui sont farouchement favorables au projet. J'ai appelé Alain Mustière, le président de l'association des Ailes pour l'Ouest. Qu'est-ce qu'il pense des opposants au projet ? C'est l'international des opposants. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des Français dedans, mais on retrouve une espèce de faune internationale qui est opposée à tout, et anti-tout, anti-mondialiste. Attendez, ils sont internationalistes et anti-mondialistes ? Ils sont internationaux et anti-mondialistes. Ouais, alors là, soit ils sont complètement schizophrènes, soit ils militent simplement pour une autre façon d'imaginer la mondialisation. Hein, je laisse nos auditeurs décider. Moi, attention, hein, je suis toujours dans un souci d'objectivité. Restons objectifs. Autre question pour Alain. Comment vous expliquer qu'il faille deux aéroports à Nantes ? Est-ce que c'est le charisme de Jean-Marc Ayrault qui fait ça, à votre avis ? Mais non ! Mais ah, ça, c'est du pro. Ça, c'est on vous a enfumé à Paris. Les Verts vous ont enfumé là-dessus. Ah mince, on a été enfumés. On nous a fait croire que Jean-Marc Ayrault avait du charisme et nous, on y a cru comme des cons. Moi, j'ai même cru à un moment qu'il était Premier ministre. Mais moi, je suis naïf aussi. J'avais même pas pigé que couler du béton en pleine campagne était en fait un projet qui fait du bien à la nature. Heureusement, il y a Alain. Écoutez, la prise de conscience qu'on a à faire attention à la planète est dans ce projet Notre-Dame-des-Landes. Ah bon ? Ce projet Notre-Dame-des-Landes, mais oui, et oui, on oublie de le dire. On a l'impression à vous entendre que ça va être des pistes en herbe. Non, mais plutôt que d'avoir une... Non, parce qu'à un moment donné, j'avais compris que c'était un projet écolo, c'est pour ça ? C'est pas un projet écolo, ah non. C'est un projet économe voilà. Dans la construction, dans la conception... d'énergie. Ah voilà, c'est un projet économe, hein. C'est ça que j'avais pas compris non plus. Faut pas m'en vouloir, moi c'est la première fois que je parle d'un projet économe qui coûte 60 millions d'euros, j'ai pas l'habitude. Hein. Bon alors, pour être précis, c'est quand même un projet qui aura un impact écologique, notamment sur une espèce protégée qui s'appelle le campagnol amphibie, un petit rongeur qui est du coup menacé, n'est-ce pas Alain ? Il est très mignon, mais on en retrouve partout dans la région. Oui, mais ceux qui habitent là, ils habitent quand même là. Non, mais oui, mais non, ils habitent là, mais ils ne sont pas menacés. C'est-à-dire... Ah bah, si vous leur coulez du béton sur la tête, ils risquent d'être quand même un peu menacés. Non, on ne leur coule pas du béton, parce que les petites bêtes que vous signalez sont déplacées. Bon, est-ce que ça vous plairait qu'un campagnol amphibie vous déplace parce qu'il a envie de construire un aéroport ? Bah oui, moi, si j'étais campagnol, je serais ravi d'aller voir ailleurs. Bon, alors oui, en attendant qu'Alain devienne campagnol amphibie, on va conclure avec un des porte-parole de cette association, donc des Ailes pour l'Ouest. Qu'est-ce qu'il pense des agriculteurs menacés d'expropriation ? Sont expropriables hein, là, donc voilà, il faudra détruire les maisons et les évacuer. Et ça, c'est pas un peu dur, ça, pour des gens qui ont toujours vécu là et... Bah, c'est pas un peu dur, si, c'est... ça c'est ouais, mais bon, c'est voilà, c'est... Bon, vous avez un cœur quand même, ça vous rend un peu triste qu'ils doivent déménager. Ah bah oui, on a un cœur, évidemment, comme tout le monde, évidemment, on a un cœur, mais... Mais on a aussi un portefeuille, ce que n'a pas ce con de campagnol amphibie, ni ces traînes savates d'anarchistes. Alors oui, à la révolution verte, mais seulement si le vert fait référence à la couleur du dollar. Mais je vous dis ça en toute objectivité, bien sûr. Merci, bien sûr. Guillaume Meurice, Dominique Farrugia. Je vous ai vu rire à ce journalisme d'investigation comique. Non, mais c'est super bien. Je ne comprendrai jamais pourquoi on s'acharne à faire cet aéroport alors qu'il y en a un autre à Nantes. J'ai du mal à comprendre. Et pourquoi Jean-Marc Ayrault, dont vous citiez le charisme à l'instant, qui m'a fait beaucoup rire. Pourquoi se battre autant autour de ça ? Est-ce que ça crée vraiment de l'emploi ? J'ai pas l'impression. Voilà, c'est ça coûte un pognon monstre. Et puis il y a déjà un aéroport. Mmh. Pourquoi ils l'agrandissent pas ? Peut-être cette envie des gens d'aller en tourisme à Nantes. Qui est comme, oui, mais il y a le train, en fait. Il y aller très facilement. Pour être tout à fait honnête, ils ne peuvent pas l'agrandir parce qu'il est bloqué entre deux zones qui sont protégées. Donc, ils ne peuvent pas l'agrandir. Ah, voilà. Mais déjà, après, c'est intéressant. Il y a d'autres possibilités d'accéder à Nantes que l'aéroport. Donc. Votre honnêteté vous honore. On va parler foot. Juste un mot pour dire que, quand même, les deux sont autant de mauvais soi. La nanar et le mec qui défend. Ouais, parce que l'un est quand même prêt à se vendre pour un Nabila et des millions d'euros. Après, l'autre est plus dans l'humour. Le premier est quand même plus dans l'humour que le deuxième. Ouais, en même temps, si on lui file Nabila et les millions d'euros, je sais pas si c'est pas non. Faudrait essayer. Ça se tente. Il y a quelques semaines, Laurent Fabius avait reçu les présentateurs météo. Eh bien, aujourd'hui, c'est François Hollande qui a déjeuné avec les commentateurs sportifs. On attend avec impatience le dîner de Marisol Touraine, ministre du droit des femmes, avec les animateurs d'émissions de cuisine. En tout cas, notre président c'était la blague misogyne et j'avais envie de la faire. C'est juste pour le rire, le fond bon évidemment, vous non, savez. Le fond est méchant, mais c'est ça qui est drôle. Pas de plafond. C'est l'invité qui a raison. Vous mettez trois paires de couilles ensemble. Et ça va parler foot, puisqu'il a parlé avec Jacques Vendroux, avec Pascal Pro et avec Eugène Saccomano, qui a sans doute commenté les interventions de François Hollande. Quelle technique ! Il y a eu la confirmation. De l'achat par l'Inde, non seulement de Rafale, 24. Et là, il va buter. Le pari au génie. Et Pacquerette. Non, pardon, l'Inde, oui, parce qu'on m'avait interrogé. Extraordinaire. Je ne veux rien forcer, le Premier ministre indien viendra au mois d'avril. J'aurais pu aussi dire le Qatar, finalement, dans la confusion. Qu'est-ce que tu nous fais là Dû à la fatigue, mais peut-être aussi à l'espoir. Nous n'arrivions pas à passer ce cap infranchissable, et là, ça y est. Le ministre des Finances a fait en sorte que puisse y avoir des modalités de garantie qui puissent être compatibles avec les moyens présents de la Grèce. De l'Égypte. Le président est là. Merci à Benjamin Riquet, ce passionné de François Hollande et un peu de foot, ou est-ce l'inverse, de nous avoir monté ce petit sonore. Vous êtes passionné de foot, alors François Hollande l'a toujours été, hein. Il ne s'est pas improvisé, d'ailleurs il va même voir des matchs au Red Star. Écoutez, moi François Hollande, plus il avance, plus il me plaît ce mec. Voilà, je n'aurais pas voté pour lui comme ça, mais... Vous êtes à deux doigts de vous réengager pour la prochaine campagne. Non, mais je le trouve cohérent. Mais qu'est-ce qui vous plaît ? Sa manière d'avancer, la manière d'avoir formé un gouvernement, la manière de répondre par des gestes forts, même je trouve très bien qu'il soit rendu là où là où on a saccagé le cimetière juif. Je l'ai trouvé vachement bon sur Charlie Hebdo, et je trouve qu'il assume son choix de, au lieu de dire en cachette venez me voir, on va parler, parce qu'ils le font tous, au moins il le montre et il aime le foot. Ouais, moi ça me dérange pas. Il y a une certaine transparence que j'aime bien. Voilà. Et ce soir, c'est grand match, c'est PSG-Chelsea. Est-ce que vous y allez ? Non, j'y vais pas. J'y vais pas pour, parce que d'une part, il ne m'invite pas. et que pour avoir des places, c'est difficile. Et puis, je vais déjà bien chier ma famille avec mes films plus le foot. Mais si en plus j'allais là-bas, ça va. Je ne peux pas croire que vous n'allez pas jeter un œil sur le match. Ah, mais je regardais entièrement le match. Un pronostic et puis on passe à Clara Dupont-Bonneau. Non, je ne donne jamais de pronostic par rapport à PSG parce que je suis trop superstitieux. C'est vrai. C'est un vrai supporter. Ah non, mais je suis un vrai supporter. Bon, eh bien, on vous tiendra au courant, évidemment. Supporter le Standard. Anderlecht, attention. Ah, on va se disputer. Clara Dupont-Bonneau, parce que notre temps de parler du foot est limité par Charlie. Non, mais c'est un peu chiant parce qu'on aurait pu parler de 86 quand vous êtes fait battre. La Belgique par la France. Troisième place, l'année de votre film bis. Exactement. Si on vous dérange, vous dites. Ma femme est belge, donc j'aime bien faire chier les Belges. Vous éteindrez la lumière en sortant. Non. Vous avez quelque chose à nous dire peut-être, Clara ? Vous avez relié l'actu à. Eh bien oui, que même sans pronostic, c'est l'heure de ma chronique et vous noterez la rime. Merci Alex Vizorek. Je vous félicite. L'actualité, c'est aussi le procès du Carlton de Lille, donc qui se poursuit. Et hier, il s'est passé quelque chose de très très curieux dans la tête d'un avocat des parties civiles. Maître Daoud, c'est son nom, s'est enflammé contre Dominique Strauss-Kahn et ses pratiques sexuelles. Dominique Strauss-Kahn, visiblement proche de Satan, présenté comme créature diabolique. Pire, je cite, ce sardanapale des temps modernes. Sardanapale. Alors là, il y a dû avoir un grand blond sous le crâne de Dodo la semoule. On imagine, Sardanapale, c'est quoi? C'est un macro? Il tient quel quartier? C'est un confrère? Qui est Sardanapale? Ceci dit, je me sens un peu comme Dodo la semoule. Mais vous pouvez, tout le monde, d'où l'objet de cette chronique, évidemment, bien sûr. Il est aussi permis de penser qu'il s'agissait d'un pari entre avocats sur le mode, vas-y, tu places Sardanapale au moment du procès Carlton et tu gagnes à Château Margaux, comme on l'a tous fait en cours de physique au lycée. En tout cas, sachez-le, Sardanapale, ça veut dire débaucher. Bon, c'est une antonomase. Eh oui, Maître Daoud, nous aussi, nous employons des mots compliqués. Une antonomase, c'est quand un nom propre se transforme en nom commun. Exemple, un Don Juan, un Kleenex, un Bic, un caddie, un Bic, une poubelle également, un Meurice, qui désigne tout homme allergique à l'argent et au patron, ou variante, pour désigner un cycle de tentatives balbutiantes et néanmoins répétées de séduction, on dit un cycle de Vizorek. Lose convient aussi très bien. L'échec. Voilà, lose en une syllabe convient aussi très bien. En tout cas, Sardanapale, c'était un roi. Ah oui, ça, désolé maître. Et c'était même le dernier grand roi d'Assyrie en 669 avant Jésus-Christ. On l'appelle aussi Assurbanipal ou en acadien Ashurbani-Apli, ce qui signifie « le dieu Assur a fait un fils ». Maître Daoud, vous auriez pu faire un effort car dire « Ah, cet Ashurbani-Apli des temps modernes a quand même plus de gueule que Sardanapal ». Et puis, on peut ajouter derrière « Mais oui, messieurs les juges, je parle acadien. J'ai fait une formation. » Donc, Sardanapal a été roi et il aimait la débauche. Mais là aussi, pas de bol, cher maître, ce fut l'un des très rares souverains de son temps à savoir lire et écrire. On lui doit la première bibliothèque de l'histoire. Rien que ça. Il avait entreposé et organisé 20 000 tablettes, soit l'ensemble de la littérature cunéiforme de l'époque. Dedans, on y trouve des dictionnaires, des traités d'astronomie. On y trouve aussi des épopées, comme celle de Gilgamesh. Et d'ailleurs, si vous passez par Londres, Dominique Farrugia, arrêtez-vous au British Museum, parce que toutes les tablettes sont là. Alors, Sardanapale avait aussi un autre vice. En plus de celui de la lecture, il adorait se déguiser en femme, comme on le comprend, hein, Alex Vizorek. Un médecin à la cour des rois perses, nommé Stésias de Cnide, a fait un portrait de lui et il a écrit en 400 avant Jésus-Christ « Sardanapale non seulement ne se montrait jamais au monde extérieur, mais il menait la vie d'une femme. Il s'efforçait même de rendre sa voix féminine. » Et alors, cerise sur le travelot, si je peux me permettre, je suis l'élève donc d'Alex Vizorek, Sardanapale a eu une fin héroïque puisque son palais étant attaqué, il a fait construire un immense bûcher dans son palais, il a grimpé dessus avec tout son or, avec ses esclaves, ses concubines et ses eunuques, et il a mis le feu. Voilà. Donc cette disparition a inspiré de nombreux artistes qui, évidemment, raffolent des fins tragiques. « Berlioz a écrit La mort de Sardin Lapalus, ce que vous venez d'entendre, une cantate de 1830, et juste avant, le peintre Eugène Delacroix a peint son immense La mort de Sardin Lapalus, pareil, qui a fait scandale, aujourd'hui on peut le voir au Louvre, et encore avant, en 1821, le dramaturge anglais Lord Byron a publié Sardin Lapalus, où le roi se jette dans les flammes avec son esclave préféré qui s'appelle Mira. Et d'ailleurs, dans cette pièce, on lit cette phrase sublime et intemporelle, « Quand vient l'heure de l'adversité, tous deviennent courageux contre celui qui tombe. » Magnifique. Alors si on résume, Sardin Lapalus était certes débauché, mais c'était un roi, lettré et père de la première bibliothèque, travesti et célébré pour sa fin romantique. On est quand même très très loin du satire. Et puis dernière bizarrerie, pour faire pencher les cœurs du tribunal vers le sort des prostituées, Maître Daoud a récité un poème de Charles Baudelaire, lequel, mauvaise pioche, fréquentait assidûment les bordels, adorait les filles, notamment Sarah la Louchette, texto qu'il aimait beaucoup, et Baudelaire a écrit « L'amour, c'est le goût de la prostitution ». Voilà. Eh bien, c'est bien dit. Vous avez quelque chose à ajouter sur la Sardana Palerie de... Non, non, mais le FMI a plus vidé des bibliothèques pour l'instant que et vendu des bibliothèques à travers le monde, en tout cas à travers l'Europe. Non, non, je trouve ça désastreux, ce procès. Je le trouve. Voilà, je trouve que la presse a trop relaté de ça. Je trouve qu'il y avait trop de monde, que c'était devenu un spectacle et tout ça pour accoucher d'une. Même pas d'une souris. Enfin, c'est nauséabond. C'est pas intéressant voilà. Est-ce que ça vous a choqué qu'on soit sur le registre de la morale? Ah, mais totalement. Non, mais moi je trouve dégueulasse qu'on ait traité de la vie sexuelle d'un mec et qu'on n'ait pas traité de la prostitution comme on devait le faire au début. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait de ce procès? On va encore une fois rien en faire. Ça fait beaucoup. Enfin, tout ça fait monter une France que j'aime pas qui contribue à alimenter tout ça. Et je trouve qu'on est en train de se... Voilà, du 49-3 au procès des SK. Allons-y, maman, vas-y, elle va passer au premier tour. Ça fout la trouille. Et on va passer à un sujet, à mon avis, qui va foutre plus la rigolade que la trouille cette fois. On l'a choisi pour vous. Happy Birthday, le Saturday Night Live, émission d'humour culte sur NBC, qui a soufflé 40 bougies. Elle a notamment fait connaître Will Ferrell, Bill Murray, Eddie Murphy, Chris Rock, Mike Myers et bien d'autres. En France, le seul vrai équivalent en matière d'émission quarantenaire qui nous a fait beaucoup rire, c'est... Consonne. N. Voyelle. E. Voyelle. U. Voyelle. E. Yves. L'enculage. Voilà, merci Yves, beaucoup de points pour ce mot, parce qu'à un moment, hein, c'est pas tant ça. Enculage, ils l'ont vraiment dit, Alex? Oui, oui, oui. Ah bah non, il y en a tous les jours, hein, aussi, déchiffrer des lettres. C'est... On est prêt à tout pour gagner là-bas, oui, c'est ça. C'est comment procéder, SK. Dominique Farrugia, c'est une émission cultissime pour vous, le Saturday Night Live. Bah, quelques mots pour les gens qui ne la connaîtraient pas. Non, mais c'est depuis 40 ans, à 22h, tous les samedis soirs, il y a une émission avec des comiques qui dure à peu près 2 heures, avec beaucoup d'écrans de pub, et qui a fait découvrir tous les... pratiquement... 2 générations de comiques depuis les années 70, depuis 75 à 2015. Avec les nuls, on s'en est largement inspiré pour les nuls émissions. Vous êtes ce qui a été le plus proche en France. Oui, oui, non, pardon, en France. En France, oui, oui, mais. Et pourquoi ça prend pas? Parce qu'il y a beaucoup de concepts qui ont essayé. Bah, nous, c'était bien et ça marchait, si ce n'est que c'est un travail infernal et qu'on n'a pas. Je pense qu'on n'avait pas les moyens humains pour le faire. Il y a une vingaine d'auteurs, autant de gens qui travaillent. Il faut savoir que donc il y a une dizaine de sketchs, 10 ou 12 sketchs. Ils en répètent 13 et ils en font sauter un à 17h au ce qu'ils appellent le dress rehearsal. C'est inimaginable, c'est à l'américaine. Non, mais c'est inimaginable. L'auteur et l'acteur qui ont travaillé toute la journée, toute la semaine pour répéter ce sketch, on lui dit tu rentres chez toi. C'est un problème de philosophie. Ouais, c'est difficile. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et puis celui qui est l'invité de cette émission, c'est un privilège aux États-Unis. C'est quelque chose de grand. Et l'acteur ou le comique ou la comédienne, etc. Joue le jeu. Mais surtout, il travaille une semaine. Parfaite transition. Voilà. Qu'en fin d'émission, il arrive que nous écrivions un sketch. Ah. Et alors, par contre, nous, on ne donne pas avant. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Est-ce que vous acceptez un rôle écrit sur mesure par Guillaume Meurice? Bien sûr, avec plaisir. Donnez-moi le texte. Il est souligné en jaune pour vous. Il s'agit d'un certain Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, c'est bien, on en a parlé avant. Voilà, comme ça, on s'est mis un petit peu dans l'ambiance. Bon, il se trouve qu'il a des soucis, dans les sondages notamment. Donc, il rencontre ses conseillers en communication. Ah, c'est moi qui fais Sarkozy en plus. Bah, voilà, exactement. Vous avez tout compris, Dominique. Ouais, bon, allez-y. Et Nicole et moi, on fera les conseillers en communication. On y va. Bon, Nicolas, ça va pas. Ah oui, non, là, c'est la catastrophe. Hein. Non, vos sondages sont mauvais, il faut qu'on trouve une solution. Mais je vous signale que c'est pour ça que je vous paye. Oui, d'ailleurs, au niveau de la paye, ça fait longtemps que... Vous n'avez pas recommencé ça, vous savez très bien que l'UMP n'a plus les moyens. Ouais, non, mais on se disait éventuellement... Ouais, comme vous avez eu un chèque à... Ah non, ça, c'est perso. Ouais. Ah. C'est mon argent de poche. D'accord. Oui, mais comment vous avez vu sortir de chez Liliane Bettencourt? Non, ça, c'est mon argent de poche, en plus, ça a été déjà jugé. Je le dis à certains de mettez les ajouts. Mettez les ajouts. Non, non, mais ça a déjà été jugé surtout, ma petite oui, chérie. Non, mais d'accord, d'accord. Mais comme on vous a entendu appeler Big Malion tout à l'heure, on se disait que. Alors, je vais pas trouver la page. Oui, bon, arrêtez de détourner la conversation, il faut que je remonte dans les sondages. Oui, d'accord. Bah, alors, on pourrait par exemple trouver des artistes pour vous soutenir. Non, j'en ai marre, il a raison en plus. Les chansons de Barbe Olivia et d'Enrico Maciel, Enrico, le pauvre, il a quitté le pays, je crois, d'ailleurs. Ah, ouais, c'est dommage. Ensuite, ouais. Barbe Olivia, Yvan. Non, et puis c'est vrai que moi, la dernière fois, ça m'avait provoqué mon accouchement, alors déjà que j'étais pas enceinte. Non, il faut qu'on trouve des gens drôles, des humoristes. Oui, on pourrait rappeler Billard. Ouais, le lâcher de salope, c'était drôle ça. Pourquoi pas le lâcher de connasse. Vous voulez me rappeler l'ambiance au bureau? Oh, sinon, il y a Farrugia. Oui, qui ça? Dominique Farrugia. C'est qui, c'est un pizzaïolo? Mais non, c'est un réalisateur de comédie. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a réalisé Trafic d'influence, La stratégie de l'échec. Ouais, t'es sûr que c'est une bonne idée? Non, mais il a pas fait que ça. Mais quoi d'autre alors? Mais je sais plus. Il a fait un peu plus. Vous savez comment on s'appelle en privé? Comment on nous appelle, vous voulez dire, Nicolas? Ouais, non, c'est pas. Ah, mais j'avais pas vu, excuse-moi. Les nuls, ouais, d'accord. J'avais pas vu la chute. Ouais, je découvre le texte. C'est tout l'exercice. J'ai compris. Vous nous appelez les nuls, Nicolas, c'est ça? C'est génial, les nuls. Génial, génial. Et voilà, plus on dit qu'ils sont nuls, plus ils le prouvent comme à l'UMP. Oh là là. Oh, la chute de merde, pardon. Oh, pardonnez-moi, ça pique les yeux. Alors, je vous donne le niveau. Mettez une note sur 10 à Guillaume Meurice. Je vais être encourageant, 3. Voilà, ah, c'est bien. Donc, si on fait le Saturday Night Live ce soir, non, on l'enlève. Il faut, non, mais moi, j'ai eu la chance de découvrir beaucoup de gens et j'ai eu la chance de les rencontrer. Ils n'étaient pas tous très bons au début. Donc, allez-y, je vous encourage. Moi, ça fait 20 ans, Dominique. Et là, vous faites tourner les très bons Cadmerade et Franck Dubosc. Le film Bis sort demain. Merci à vous d'avoir joué le jeu des questions, de la rigolade. Merci à vous, c'était très sympa. Dominique Farrugia, c'était un plaisir. Demain, on reçoit Claude Ascolovic et on se termine. On se termine. Pardon. Avec une note. C'est un vieux réflexe. On termine avec un conseil de Bernard Tapie à toute une génération. Réussis ta vie.